Premier assureur. Détails des garanties dans la notice d'information sur MAE.fr. Vous écoutez France Inter, on se retrouve demain, il est 17h. Le point sur les infos, Laetitia Gaillet, bonjour. Bonjour, 15 jours pour tenter de révéler sa part d'ombre. Le procès de Jérôme Cahuzac s'est ouvert aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris et l'ancien ministre déchu a commencé à lever le voile sur ses comptes à l'étranger. Le premier compte ouvert en Suisse a, dit-il, servi au financement politique, en l'occurrence pour financer les activités de Michel Rocard. Jérôme Cahuzac est poursuivi pour avoir possédé un compte à l'étranger et trompé le fisc français pendant plusieurs années. Son procès doit durer 2 semaines. On en reparle tout à l'heure dans le journal de 18h. Procès en correctionnel ou pas, cette fois, les juges d'instruction ont 1 mois pour rendre leurs conclusions. Le parquet de Paris a requis ce matin le renvoi en correctionnel de Nicolas Sarkozy dans l'affaire Big Malion. Nicolas Sarkozy est poursuivi pour financement illégal de sa campagne électorale présidentielle en 2012. C'est une manœuvre politique grossière, selon son avocat Thierry Herzog. Il n'empêche, si des recours peuvent rallonger les délais, l'hypothèse d'un renvoi en procès avant la primaire de la droite est bien réelle. Chez les adversaires de Nicolas Sarkozy, on apprécie moyennement d'ailleurs qu'un candidat puisse faire l'objet d'un renvoi pendant la campagne des primaires. Ce n'est pas bon pour la politique, c'est ce que pense Florence Portelli, c'est la porte-parole de François Fillon. L'accumulation d'affaires ou d'échos judiciaires dans les journaux n'est pas une très bonne chose pour représenter, à mon avis, la droite et le centre pour l'élection présidentielle. Qui voulons-nous voir comme candidat de la droite et du centre, parce que nous risquons d'être empêtrés par les affaires et le calendrier judiciaire d'un des candidats potentiel à la présidentielle. Imaginez un calendrier judiciaire où notre candidat se retrouve devant les tribunaux, en tous les cas se retrouve envoyé en correctionnel, c'est quand même assez délicat. Des propos recueillis par Céline Veil-d'Harcourt. Il y a le problème des migrants, leur souffrance, la précarité de leur situation et puis il y a les conséquences. À Calais, ceux qui manifestent depuis ce matin sont des voisins, des transporteurs routiers, des agriculteurs ou encore des commerçants. Tous réclament aujourd'hui le démantèlement de la jungle pour ne plus avoir à subir donc les conséquences de la présence des migrants dans le camp. À cette heure, l'autoroute A16 est toujours bloquée près de la sortie du tunnel qui mène au tunnel sous la Manche. Martine a d'ailleurs participé à la chaîne humaine sur l'autoroute A16. Alors moi je suis là en tant que maman, j'ai peur pour mes enfants, pour mes petits-enfants, parce que tout est devenu insécurité, que ce soit sur la route, ou à Calais, ou à Marc, où j'habite moi. Et nos nuits sont perturbées, mais toutes les nuits. Alors on entend les camions qui freinent, qui klaxonnent, on entend les courses, poursuites, il y en a qui entrent dans nos jardins, qui tabassent nos chiens parce qu'ils donnent l'alerte. On a eu nos salons de jardin qui ont disparu. Et puis moi j'ai mes enfants qui prennent la route. J'ai une petite fille de 5 mois avec ma belle-fille qui va travailler le matin très tôt pour la porter en nourrice. Et je suis angoissée en permanence. Donc je pense que ça suffit. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Il n'y a pas de haine. Il y a véritablement beaucoup d'angoisse. Des propos recueillis par Gaëlle Joly. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a fustigé lui aujourd'hui la démagogie des déclarations de l'opposition sur la jungle de Calais. Et il réitère qu'il faut de la persévérance et de la méthode pour parvenir à la démanteler. En Espagne, les policiers disent aujourd'hui avoir arrêté un Marocain qui transportait des migrants dans le double fond de sa voiture, sous les sièges en l'occurrence. Il tentait de les faire rentrer dans l'enclave espagnole de Melilla. 4 personnes étaient coincées à l'intérieur dans des conditions étouffantes. Toujours à propos des migrants, les membres du G20 ont appelé de Chine aujourd'hui l'ensemble des pays à renforcer leur aide, à mieux coordonner les efforts pour s'attaquer à la crise des réfugiés et mieux partager également les charges correspondantes. Le président turc Recep Tayyip Erdogan, lui, réclame une zone sûre au nord de la Syrie pour endiguer le flux des Syriens qui fuient leur pays via la Turquie. Il s'appelait Christophe Yokos, c'était un mathématicien français qui avait eu la médaille Fields, l'équivalent du Nobel en mathématiques, en 1994. Il était aussi membre de l'Académie des sciences, on l'apprend aujourd'hui. Christophe Yokos est mort samedi à l'âge de 59 ans. Et puis on avait perdu sa trace depuis l'été 2015, mais Philae a été retrouvé. Le robot qui est sur la comète Chury a été localisé par une caméra de la sonde Rosetta. C'est l'agence spatiale européenne qui l'annonce aujourd'hui. Philae serait en fait calé dans une fissure obscure de la comète Chury. Allez, ce n'est pas obscur, 17h et presque 5 minutes sur France Inter, quoique on va à la Bourse de Paris retrouver Jean-Yves Courcial. Jean-Yves Courcial, dites-moi, ça ne bouge pas beaucoup ce soir? Et non, Laetitia, le CAC 40, qui était un petit peu mieux orienté dans la matinée, a perdu une bonne partie de son avance. Il ne grappille plus que 0,03% à 4543 points. La journée est particulièrement calme avec l'absence des investisseurs américains. C'est la fête du travail aux États-Unis. Les places new-yorkaises sont donc fermées aujourd'hui, ce qui limite le volume d'affaires. Du côté des devises, l'euro s'échange contre $1,1147 et le prix du baril de pétrole poursuit son rebond. À Londres, il coûte $47,21. En ce qui concerne les valeurs dans le bas du palmarès, le repli des bancaires pèse sur la tendance. Elles subissent de légères prises de bénéfices après avoir été particulièrement recherchées la semaine dernière. Société Générale recule par exemple d'1,01%. En revanche, les pétrolières profitent de la hausse du prix du baril. Technip gagne ainsi 1,67% ou encore Total qui s'affiche actuellement en hausse de 0,99%. Je vous rappelle le CAC 40, il ne grappille que 0,02% à 4543 points. La bourse, Jean-Yves Courcial pour France Inter. Du lundi au jeudi soir sur France Inter, le nouveau rendez-vous, c'est l'émission énervée du soir. Laurent Goumard. Deux heures tendues sur le fil de l'actualité culturelle et ce lundi des histoires de succession, des histoires de famille avec le nouveau roman de Jean-Paul Dubois et puis deux anniversaires. 50 ans de révolution culturelle en Chine et 40 ans pour la mort de Mao. Et les maoïstes, que sont-ils devenus? Le nouveau rendez-vous, ce soir sur France Inter, à partir de 22h. Moi, c'est Juliette, et ce que j'aime, c'est faire rire les gens. Souvent, malgré moi, je suis une grande gaffeuse. Enfin, j'essaie de ne pas me prendre au sérieux. Sauf pour une chose, ma santé. Alors, pour ma mutuelle, j'ai choisi MGEN. Pour eux aussi, la santé, c'est sérieux. Ça fait plus de 20 ans que 100 000 femmes participent, comme moi, à une étude INSERM MGEN et aident la recherche, notamment sur le cancer du sien. du sein, pardon. Bah voilà, quand je vous disais que j'étais gaffeuse... Juliette a choisi MGEN. Et vous ? Pour en savoir plus, rendez-vous sur mgen.fr. Alors, petit pinson, on chante dans le vide. Non, nous sommes là. Oui, alors j'ai écouté la fin de l'émission de Vincent Josse, et effectivement, est-ce que quelqu'un sait imiter les oiseaux autour de cette table? Très bien, voilà, ouais. Donc le sujet. Ça vient faire le... Vous avez gagné, Laetitia Gaillard. J'essaie d'imiter un poussin de 200 kilos. Piou, piou. Voilà, c'était une contribution. Bon courage, voilà. Vous en prie, merci. Il faudra ce que je viens d'entendre. Merci Laetitia Gaillard. Et voici comment nous avons préparé ce matin, avec un petit peu plus de sérieux toutefois, cette émission. Salut les amis. Salut Charline. Bon, vous avez déjà choisi les sujets. Ah bah, Castorama. Castorama. Il y a un plan social. Non, le type du modem qui a repeint sa cuisine. Dans un premier temps, pas sa cuisine, ouais. Du coup. Non, je vois. Non, alors quoi? Ça, je refuse d'en parler. Écoute, c'est une vraie maladie. C'est quoi, de sortir son outil devant des clés de douze? Oh non, mais tu simplifies. Non, le stress masturbatoire, c'est une maladie. Ah bon, ouais, comment tu sais ça, quoi? Quand t'es un peu nerveux, trop de tension, tu veux te vider des mauvaises ondes. Ouais, du coup, pas que des mauvaises ondes. Oui, enfin, pas chez Castorama. Bah, chez Casto, il y a tout ce qu'il y a. Oui, mais il a pas choisi. T'es stressé. C'est le choix du tournevis qu'il a mis dans un gros état de stress. T'as déjà choisi un tournevis, toi? Ah oui, c'est stressant. Choisir un tournevis. Mais arrêtez, enfin, il est au modem. Bah, comment un type du modem peut stresser? Bah, on sait pas, un flot d'adhérents qui arrive comme ça. Écoutez, c'est te mettre très certainement malade, donc on va pas en faire un sujet. Allez. Et puis c'est qui l'invité? Salomé Lelouch. Voilà. Non, bah tu me vois lui demander bonjour Salomé Lelouch. Ouais. Alors vous êtes pour ou contre la branlette dans les Castorama? Bah au moins c'est une question qu'on lui a jamais posée. Non, mais non, c'est non, voilà. Et c'est pas une bonne manière de commencer la semaine. Mais quoi? De refuser un sujet à des gens qui ont travaillé, c'est un coup, mais une mauvaise ambiance, voilà. Ah bon, et voilà, résultat, moi j'étais arrivé de bonne humeur, et ben ça m'a stressé. Non, je suis tellement stressé. Non, range ça tout de suite. Lâche ça. Dépose le manche. Ça va partir. Alex, lâche cette fléchette. Désolé. Vous visez pas vous, je visais le calendrier de Clara Morgan. Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui bricole l'actualité. Voici les trois informations qu'on va emmener chez Castorama pour les déstresser jusqu'à 18h. En Allemagne, la percée de l'extrême droite dans le fief d'Angela Merkel fait vaciller la femme la plus puissante d'Europe. C'est juste une colossale conspiration. À Paris, la communauté asiatique de France est descendue dans la rue pour réclamer la sécurité pour tous. Mais dans quelle époque on vit, Christophe? La récession, Et les Chinois. Au cinéma, pour une fois, la rentrée des films est très politique. Tiens, c'était quand la dernière fois que c'est arrivé? Le seul moment où en France le cinéma a bien marché, c'est pendant l'occupation. 60 films par an, c'est la meilleure période. Et pour m'accompagner, j'ai à mes côtés celui qui n'a jamais mis les pieds dans un magasin de bricolage puisqu'il ne s'est déjà pas changé une ampoule. C'est Alex Vizor. J'ai eu très peur de ce que vous allez faire comme comparaison. Bonjour Charles Magnoudaker. Et quand même, je vais vous présenter l'équipe autour de la table. 17h20, elle vous a ennuyé tout l'été avec ses goûts musicaux. C'est pas vrai. Eh bien, elle est de retour. She's back to back. Bonjour Mélanie Bauer. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais lever le mystère Banksy qui se cache derrière l'artiste d'art urbain. Je le sais. Très bien. 17h30, je me réjouis car dans la même chronique, j'ai mes deux idoles. Guillaume Meurice et Nicolas Dupont-Aignan, oui. Figurez-vous. Et oui, je suis allé au meeting hier du futur président de la République. Voilà. Vous rigolez, mais écoutez-le. Je sens en tout cas que les gens se disent, tiens, et si c'était lui? Oui. Alors, les gens, c'est essentiellement sa mère et sa sœur, mais c'est des gens quand même, ça compte. Et 17h40, le matin, il est sur les plateaux de tournage où il débite des mots qui ne sont pas les siens pour des salaires exorbitants. Et l'après-midi, c'est l'inverse. Il est chez nous, mais ça n'a pas de prix de dire ses propres mots. Bonjour Hippolyte Girardot. Bonjour. Oui. Bonjour. Formidable. Oui, on parle formidable. Formidable. Ça va être bien. Okay, très bien. Bon teasing. Allez, l'invité qui a tout annulé pour présider cette émission a grandi dans les coulisses des théâtres avant d'en diriger un très tôt, à 20 ans. Vous êtes auteur, metteur en scène, actrice. Je vous laisse nous annoncer qui vous êtes. Vous êtes... Salomé Lelouch. Oh, oui, première bonne réponse. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes... J'annule tout. Bonjour Salomé Lelouch. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va parler ensemble de la pièce que vous avez écrite et mise en scène, qui s'appelle Politiquement Correct, qu'on peut voir au Théâtre de la Pépinière, pour l'instant à Paris, du mardi au samedi à 21h, et le samedi à 16h, l'horaire qu'a choisi Alex Vizorek, oui, pour aller vous voir. Oui, pour aller avec ma grand-mère, du coup, on était ravis. Non, mais Politiquement Correct, évidemment, ça colle à notre émission, puisque ça parle beaucoup de politique, c'est fait avec humour, c'est du show. Et la question qui se pose, c'est Alexandre, cet homme, Thibaut de Montalembert, le comédien, qui est d'extrême droite, tombe amoureux, sans le savoir, de Mado, qui est plutôt, je dirais comme vous, de gauche, hein, Charine Vanhoenacker. Et elle ne sait pas si ça va être possible. Ils ne se le disent pas avant un bon bout de temps. Et la question que j'ai envie de vous poser, Salomé Lelouch, parce que nous, on a un peu ce débat, Guillaume et moi, avec Marion Maréchal Le Pen. Ouais. Est-ce que ce serait possible avec Marion Maréchal Le Pen pour quelqu'un comme nous de gauche? Alors, avec Marion Maréchal Le Pen, je ne pense pas. Très bien. Voilà. Merci. Allez voir la pièce. Et donc, oui, c'est cette question que vous vous posez, évidemment. Bah oui, en fait, c'est parti au départ de se dire, tiens, j'ai jamais écrit sur une histoire d'amour, donc j'aimerais faire une histoire d'amour, mais impossible. Qu'est-ce qui serait impossible aujourd'hui? Bon, bah, les familles pas d'accord, non, ça marche plus. Les différences d'âge, ça marche plus. Il y a beaucoup de choses quand même qui sont tombées. Et je me suis dit, moi, qu'est-ce qui pourrait me faire me dire, tiens, c'est impossible et ça devient une tragédie d'être amoureuse de cette personne? Et je me suis dit, suite à des conversations avec des amis qui m'ont dit, bah attends, j'ai une histoire avec quelqu'un, mais j'ai arrêté tout de suite, il est du Front National. Ou alors quelqu'un qui m'a dit, non, mais il a basculé du Front National, mais on continue, en fait, c'est pas un problème. Et je me suis dit, mais en fait, ça, ce serait un vrai truc compliqué, complexe. Pour vous? Pour moi. Parce qu'après, on sent que vous détricotez cette pelote en vous posant toutes les questions qui puissent faire que vous puissiez la vivre, cette histoire. En fait, je l'ai vécue en l'écrivant. C'est-à-dire qu'à travers l'écriture de la pièce, quand j'ai commencé la pièce, j'étais complètement sûre que j'allais raconter uniquement pourquoi c'était impossible et comment c'était impossible, que j'allais me moquer du Front National et que ça allait vraiment être une comédie. Et puis, j'ai essayé d'être le plus honnête possible. Quand vous commencez à écrire un personnage, le personnage d'Alexandre, qu'on veut charmant, on s'attache à cette chose-là, et j'ai essayé de me poser réellement la question, mais en fait, à quel moment c'est impossible? Qu'est-ce qui pourrait me dire qui serait impossible? Et en allant rencontrer des gens, en parlant avec des gens qui avaient basculé, qui sont jeunes, qui ont une trentaine d'années, qui ont décidé de voter pour le Front National, salut, de plus Florian en plus... Un peu ça, de plus en plus, la barrière d'à quel moment c'était impossible reculait en fait. Et j'ai fini par comprendre pourquoi le Front National était là où il était, pourquoi autant de gens pouvaient voter pour eux, et donc avoir encore plus peur qu'avant qu'il passe. Ça m'a plus du tout paru une fable, et ça m'a même paru quelque chose qui allait se passer peut-être pas à la prochaine élection, mais en tout cas dans 5 ans. Et vous avez fini par voter Front National, hein, on rappelle. Salomé Lelouch, ça veut dire qu'aujourd'hui, et c'est ce qu'incarne le personnage d'Alexandre, le Front National peut, enfin les gens qui représentent le Front National peuvent avoir un côté charmant, propsureux. Ah bah moi, c'est la dédiabolisation qu'incarne Alexandre. Ah oui, mais Alexandre, je pense qu'il est, j'allais dire, pire que même la dédiabolisation, c'est-à-dire que je pense qu'il est sincère et qu'il est aimable. Il y a un truc qui est terrible, c'est que il arrive à être amoureux de cette femme de gauche sans se poser trop la question de ce qu'elle représente. L'inverse n'est pas vrai. Alors, c'est à double tranchant parce que, par exemple, et ça, c'est les gens de droite n'ont aucun problème, et de toute la droite, hein, à sortir avec des gens de gauche, alors que des gens de gauche n'assument pas aussi bien d'avoir une histoire... Voilà. Détrompez-vous, avec... ma petite. Aucun problème. Peut-être parce que vous n'êtes pas de gauche, Alex. Posez-vous peut-être la bonne question. C'est peut-être la question qu'il faudrait se poser, en fait, au départ. J'ai trouvé qu'il y avait, chez les gens de gauche et chez Mado, une envie de comprendre. C'est-à-dire une envie d'essayer de comprendre pourquoi ces idées étaient les siennes. Alors qu'en face, il n'y a pas tellement d'envie de comprendre. Ils sont vraiment dans des convictions très, très fermées. Ça ne les dérange pas d'être avec quelqu'un qui ne pense pas comme eux, mais ils n'ont pas du tout envie de faire le cheminement de la pensée. Or, Mado, elle va essayer de comprendre ce qui fait que cette personne qui l'a séduite pense ce qu'elle pense et pourquoi elle le pense. Donc, il y a ceux qui assument et ceux qui essayent de comprendre, et c'est pas... Donc, les deux vont aller l'un vers l'autre. Ouais, y a un truc qui m'a ennuyé dans ce personnage d'Alexandre, c'est que vous le prenez comme étant la surface de ces gens qui représentent le Front National. Et le nouveau visage du Front. Oui, mais c'est les 37% de Français, comme vous le répétez souvent dans la pièce, c'est pas des gens comme Alexandre. C'est pas des avocats qui réfléchissent bien des choses, qui savent pourquoi ils le font. C'est aussi des gens qui sont dans le rejet des choses. Bah, y en a un aussi dans la pièce, j'ai pas dit que les 37%... Oui, il est moins bas du front que ce qu'on entend parfois dans les interviews ou dans les chroniques de Guillaume Meurice. Oui, mais après, si vous voulez, si c'était pour faire des caricatures de fachos qu'on connaît, je faisais un tract, je faisais pas une pièce et j'allais pas dans une histoire d'amour et j'essayais pas de comprendre. Moi, je suis pas politique, je suis pas là pour me battre pour ou contre. J'essaye de comprendre, donc j'essaye de faire des personnages complexes et plutôt de les ramener à quelque chose d'humain et à comprendre leur humanité et ce qui les amène là et ce qui fait qu'on peut être proche d'eux. Ce qui fait qu'on est loin d'eux, c'est facile à expliquer, tout le monde le fait très très bien. Et même si j'avais envie de m'adresser à des gens qui peuvent voter Front National, j'avais envie qu'ils se retrouvent dans ces personnages pour que cette histoire avance et qu'on puisse parler. C'est vrai que je voulais parler avec eux à un moment donné, mais beaucoup de gens m'ont quelque chose... Mais tout de suite, quand j'ai dit que j'avais ce sujet de pièce, des gens m'ont dit « Mais t'es complètement malade, ça peut pas arriver, ça n'arrivera pas, jamais, ça n'existe pas, c'est pas possible. » Il y a d'autres gens qui me disent « Mais putain, c'est fou, ça m'est arrivé, je connais quelqu'un à qui c'est arrivé et tout. » Je pense que c'est l'enjeu même, c'était le questionnement. En fait, la pièce, c'est pas quelque chose que j'ai envie de marteler, c'est une vraie question et je vois bien qu'elle met mal à l'aise les gens. D'autant plus que on n'est pas comme si on faisait une histoire d'amour entre un soldat allemand et une juive où en fait on connaît la fin de l'histoire. On connaît pas la fin de l'histoire. Et c'est hyper flippant et ça met mal à l'aise et on n'a pas envie d'entendre que c'est possible. Et je pense que les gens n'ont pas envie d'entendre que c'est possible. Sur une même représentation, puisque maintenant on en a fait 3, il y a des gens qui sortent, donc on devine qu'ils sont Front National, et qui étaient très mignons quand ils sont arrivés. On ne pouvait pas du tout penser qu'ils ressemblaient à Alexandre. 20 ans, on s'est dit « Chouette, il y a des jeunes qui vont au théâtre !» Bah non, enfin oui, mais... bon. Et qui sortent en disant « Waouh, on prend cher !» Même représentation des gens qui sortent et qui font « Mais c'est atroce qu'ils sont sympathiques, tu peux pas faire ça !» sur les mêmes choses. Mm-hmm. Et ça, je peux pas dire que ça me déplaise en fait. Bien je voulais entendu. Pas créer la polémique, mais je cherchais à comprendre. Moi, je voulais rien appliquer, je voulais savoir jusqu'où cette chose... définir le pourquoi et pas juste dire « Non, c'est impossible !» et définir où c'est impossible. Pour moi, et bizarrement, la réponse n'était pas politique. Et donc, au théâtre de la Pépinière, regardez bien votre voisin de droite, votre voisin de gauche. Et en fonction de réaction, tentez de deviner. Salomé Lelouch nous présente Politiquement Correct, écrit et mis en scène par ses soins, avec Thibaut de Montalembert, Rachel Arditi, Ludivine de Chastenay, Bertrand Combe et Arnaud Pfeiffer. Pfeiffer, oula. Quelle consonance. Ça lance le sujet. Eh oui, du mardi au samedi à 21h, le samedi à 16h, puis c'est un sujet politiquement correct. On va pouvoir y revenir avec les thèmes choisis. Dans cette émission, avec Salomé Lelouch qui nous accompagne sur France Inter, un peu d'ouverture, le trio Esperanza. arrêter de parler sur la musique, Hippolyte Girardot. C'est joli, c'est le musique, ça, c'est trio bien. Esperanza. Now aguanto voce. On dit voce, oui. Oh là là, ne me regardez pas. On va demander. Oui, je pense. Ouais, je ne suis pas sûre. Aucune certitude dans cette émission. On questionne, re-questionne les certitudes. Vous êtes sur France Inter, on est en compagnie de Salomé Lelouch et autour de cette table, Alex. Mélanie Bauer, Hippolyte Girardot et Guillaume Meurice qui est allé à la rencontre de son idole Nicolas Dupont-Aignan. Oui, oui, entre autres. De l'actualité, on est question. Oui. Remettons les pendules à l'heure. Attention. À 17h21. Pendant 30 ans de ma vie, il va pas pouvoir continuer comme ça. J'ai fait la tournée de tous les bistrots. Le journal de presque 17h17. Ça devient gênant. Et on commence par les titres. L'affaire Big Malion rebondit. Le parquet demande le renvoi de Nicolas Sarkozy en correctionnel. Oui, un bien mauvais exemple pour tous les élèves à peine rentrés et déjà renvoyé, le petit Nicolas. Le chanteur Renaud a dévoilé son nouveau tatouage. Dans le dos, il s'agit du visage de Jésus. Oui, après avoir annoncé qu'il soutenait François Fillon, une autre icône catholique de France. Il y aura également l'interview dont on est certain que vous ne l'aurez pas entendu ailleurs. Évidemment. Des brèves et même une chanson. Mais c'est plus un journal, c'est Vivement Dimanche. Le parquet demande donc un procès pour Nicolas Sarkozy. Je suis sous le choc. Ouais, les proches de Nicolas Sarkozy se disent surpris par le calendrier. Ah, ils sont pas surpris parce qu'il soit appelé au parquet. Non. Excusez-moi, mais c'est là que Copé est fort. Il a pris soin de se faire blanchir bien avant. Bien joué, mon Jeff. Sans transition, parlons des impôts. Les impôts. À cause du prélèvement à la source, il y aura pour les salariés une sorte d'année blanche en 2017 où ils ne paieront pas d'impôts. Oui, Thomas Thévenoud aurait déclaré « c'est saut 2014 ». International, Mère Teresa a été canonisée par le pape François. Oui, une reconnaissance méritée pour cette grande féministe qui a décidé de combattre le sexisme en portant un torchon de vaisselle sur sa tête. On reste chez les people. Oui, le chanteur Renaud a donc dévoilé un tatouage dans le dos. Il s'agit du Christ et cette phrase « Comme lui j'ai aimé, comme lui j'ai souffert ». Ce sont ses fans qui souffrent. Les fans du Christ. Non, de Renaud. Ah oui, non, mais c'est sans doute pas fini parce qu'il est en train d'adapter son répertoire. Oula. Quand Manu devient Jésus. Et Jésus, avec toi, je partageais des bières. Je me suis dit, plus tu bois, moins tu penses à ton père. Puis on passera au vin, tu vas le multiplier. Au pastis 51, c'est moi qui vais te clouer. Tu vas rentrer bourré, Marie-Madeleine pleura. Laissera la porte fermée en te voyant par le Judas. Elle est comme pas Jésus, va pas marcher sur la scène. Une gonzesse de perdu, ces 12 apôtres qui reviennent. C'est joli, hein? Salomé Lelouch a demandé est-ce que c'est Renaud. J'ai eu peur. Oh, vous êtes une amie. Ah, là, c'est le début d'imitateurs de sport à présent. Oui. Le sprinter jamaïcain Usain Bolt révèle qu'il souffre d'une scoliose. Tout ce qu'il ne ferait pas pour participer aux Jeux paralympiques qui débutent mercredi prochain. Sport toujours, ce week-end a eu lieu en Italie le championnat du monde de cache-cache. C'est véridique. Xavier Dupont de Ligonnès a encore gagné. Et il succède au palmarès à Patrick Balkany. Il y a l'argent de Patrick Balkany. Oui. Une étude, parce que Balkany, on sait où il est. C'est l'argent. On ne sait pas. Une étude danoise a prouvé que pour une femme, boire un grand verre de vin par jour suffirait à faire baisser la fertilité. Oui, notons toutefois qu'à partir de 3 grands verres de vin, une grossesse est vite arrivée. Passons à l'interview dont on est certain que vous ne l'aurez pas entendu ailleurs. Et aujourd'hui, Alex, vous interviewez, attention, très rare, très difficile à trouver, une idée politique. Oui, on parle beaucoup du nombre de candidats à la présidentielle 82, mais assez peu de leur programme. Et avec moi, nous avons donc une idée politique. Comment vous sentez-vous ? Bon, je m'ennuie un peu là. Il y a de l'écho, vous êtes où ? Là, je suis dans le vide. Ah, en fait, il y a 82 candidats à l'élection présidentielle et pas un seul qui vient me voir. Pas un seul qui vient voir l'idée politique, mais vous vous sentez délaissé. Du coup. Bah, il y a de quoi quand même, se faire éclipser par le burkini, c'est humiliant quand même. Mais personne n'est passé. Du coup. Si, il y a Bayrou qui m'a salué, mais bon, quand t'es dans le désert, il y a toujours un moment où tu croises Bayrou, de toute façon. Comment vous expliquez cet abandon ? Bah, je suis censé éclairer le monde, rendre les gens plus intelligents. Alors ça, ils préfèrent éviter. Courage en tout cas. Ouais, merci. Revenez me voir à l'occasion, d'ici mai, je sens que je vais m'ennuyer. Oui, courage à vous. De bref pour terminer, Alex. Oui, Alex, commencez-vous. Oui, dans les Yvelines, à Houille, un automobiliste renverse son ex-petite amie. Houille. Non. On la sentait venir, non. Ça, je vous avais dit de ne pas la faire, mais ça, on ne m'écoute jamais. Donc voilà. Donc bon, une dernière quand même. Oui, elle est bonne. Un petit Kenji est né ce dimanche dans le Lot à Girac. C'est véridique. On espère vraiment que dans les Hautes-Pyrénées à Lalanne, personne n'aura l'idée d'appeler son fils Francis. On salue le petit Kenji, hein, quand même. Félicitations. C'est lundi, c'est crescendo. Hein. Et puis je vous annonce que cette semaine, le co-auteur de la semaine qui nous aide à écrire les blagues s'appelle Frédéric Fromet. Oui. Donc... J'ai envie de dire. Exactement. Nous sommes en compagnie de Salomé Lelouch. Et avec vous, on va reparler notamment de Politiquement Correct, la pièce qu'on peut voir en ce moment au Théâtre de la Pépinière à Paris. Tiens, à ce propos, est-ce que vous irez en France après en tournée? Eh bien, on espère. Ah bah, oui. On espère l'année prochaine. Il y a une grosse tournée sur le Sud, je crois. Il y a Robert Ménard qui est très excité à l'idée de vous accueillir. On va aborder avec vous le premier sujet. Angela est dans de sales draps. Son parti, la CDU, termine troisième derrière l'extrême droite dans le propre fief de la chancelière, le Mecklembourg-Poméranie-Occidentale. Le Länder a choisi le vote sanction contre la politique d'accueil des réfugiés d'Angela Merkel. La région n'est pourtant pas très peuplée. Elle représente seulement 2% de la population allemande. Donc on ne peut pas dire qu'elle soit envahie de réfugiés. Et pourtant... David Vincent les a vus. Pour lui, cela a commencé pendant une triste nuit, le long d'une route solitaire de campagne, alors qu'il cherchait un raccourci que jamais il ne trouva. Les envahisseurs. Alors, comme on ne sait pas très très bien où va l'Europe, est-ce qu'il vous arrive, Salomé Lelouch, de regarder aussi de plus près ce qui se passe chez nos voisins, comme test, comme laboratoire? Ah bah oui, mais surtout, je suis étonnée de ce repli dans toute l'Europe, enfin de cette montée du nationalisme à un moment où on a l'impression que vraiment ce serait de coopérer ensemble qui serait la seule solution pour sortir. Et donc, ce qui se passe là en Allemagne me fait très peur aussi. C'est vrai qu'à un moment donné, si c'est un problème français, ça, on nous a fait croire que c'était un problème français, la montée du Front National, ouais. Ça devient européen et c'est très, très angoissant. Et puis l'Allemagne avait quand même une politique d'accueil des réfugiés, et que Merkel maintient d'ailleurs, hein, malgré cet échec aux élections régionales. Elle est très courageuse, elle a expliqué pourquoi elle le faisait, elle a aussi expliqué qu'ils en avaient besoin, elle a expliqué beaucoup de choses. Après, si on regarde, il me semble que j'ai cru voir que là où ils étaient passés, c'était par ailleurs un endroit où il y avait très peu de réfugiés. Donc on voit bien que c'est la peur de ce qu'ils voient à la télé, de ce qui est relayé, de ce qu'on a raconté sur Cologne. C'est la peur qui fait réagir les gens. En France, le vote Front National est beaucoup plus important dans des communes où il n'y a pas non plus d'étrangers, de migrants ou de choses comme ça. Donc c'est la même chose qui est en train de nous envahir, c'est cette peur absolue. Évidemment, ici, c'est symptomatique, c'est l'Allemagne. Dans votre pièce, il y a un moment, un des personnages qui dit « On ne peut pas parler de nazisme sainement avec vous. » On ne peut jamais parler sereinement du nazisme avec vous. Donc oui, il y a cette espèce d'éloignement, évidemment, de vos personnages Front National qui disent mais non, nous c'est du nationalisme, il n'y a pas de lien, il n'y a pas d'hérédité. Et puis l'autre lui répond qu'évidemment historiquement c'est plus difficile. Ça fait toujours un moment, on arrive à ce fameux point où on revient un petit peu aux nazis, à ce qui s'est passé ou pas passé. Et c'est leur gros argument, c'est de dire c'est ça qui vous fait peur, c'est ça qu'on n'est pas, on ne peut pas en parler. Finalement, le nationalisme, si on n'avait pas tué les juifs, moi je l'ai entendu, hein, cette phrase de gens Front National qui m'ont dit non, mais à un moment donné ça va, parce que bon, d'accord, ils ont tué des gens, mais en dehors de ça, le projet de base, l'Allemagne allait très bien. Quand le détail de l'histoire, Lelouch, enfin, on cesse de vous le répéter. Donc voilà, mais je pense que par ailleurs, les Allemands sont marqués plus que nous de ça, même avec ce qui est en train de leur arriver en ce moment. Donc le fait qu'ils passent le pas de revenir et de revoter à l'extrême droite, c'est quelque chose de particulièrement violent. Et y compris en Autriche également. C'est 2% et c'est en Allemagne de l'Est. Enfin, je veux dire, c'est pas symptomatique de toute l'Allemagne, j'espère. Écoutez, non, que vous soyez entendu. Le dire, ouais. En Angleterre et sort de l'Europe, il y a quand même cette poussée qui est générale. Avec le Brexit, il y a un racisme anti-polonais aussi, par exemple, en Angleterre, etc. Ça m'énerve un petit peu, ça. Oui, ça, je comprends, Bizorek. je vais te coincer du coup, maintenant. Et pour prendre un peu de recul pour tout ça, pour respirer un peu, et tiens, c'est quelqu'un qui s'engage beaucoup pour la cause des réfugiés aussi. Vous allez nous en parler, Mélanie Bauer. Musique et art, transition, tcha-tcha, magnifique. Oui, depuis plus de 15 ans, le milieu de l'art se pose la question, hein, qui se cache derrière le street artiste le plus célèbre de la planète, Banksy. Il l'appelle Banksy, ça n'arrive pas trop à savoir comment on l'appelle. Alors, avec Banksy, aujourd'hui, on ne parle plus de street art, mais d'art urbain. C'est fini, hein, c'est plus la rue, c'est plus les hip-hop, c'est de l'art urbain. Grâce à son anonymat et sa fortune, il peut tout se permettre. En 2006, par exemple, il achète 510 de Paris Hilton, la chanteuse blonde, vous connaissez, Vizorek. J'adore. Paris Hilton, en magasin, il les fait remixer par Danger Mouse, un autre génie, un musicien. Alors, il change la pochette, les photos de son disque et lui fait dire finalement « Pourquoi suis-je célèbre ?» Et tranquille, il remet les disques en magasin, ça donne ça. A lot of people, since they don't already know me as a recording artist, think that this was just something that I thought up in 1 minute and did. That's hot. Une grosse guitare. Et puis lui fait dire des horreurs, hein, pourquoi je suis là, pourquoi j'existe, pourquoi je suis célèbre, ça dure 40 minutes. Alors, ces disques aujourd'hui valent 1000 euros pièce. Hein. Si vous en avez acheté un par erreur, on comprend pourquoi il est riche, Banksy. Ouais. Il voilà. peut miser sur le fait que plus quelqu'un drôle. S'en rende compte. Parce que moi, j'aurais acheté le disque. Je ne t'ai pas rendu compte que c'était pas ce qu'il fallait. Écoutez, si vous avez acheté le disque, ça vaut peut-être le coup. Alors, plus drôle, en 2013, Banksy s'installe incognito sur le trottoir de Central Park pour y vendre certaines de ses œuvres $60. Il en vend 7 dans la différence générale. Des œuvres qui sont estimées en réalité à $160,000 l'unité. Alors, on pourrait parler aussi de son engagement politique pour la Palestine, les migrants, dénoncer Guantanamo, etc. Banksy vit caché pour être un libre penseur. En mars dernier, la presse anglaise annonçait que des chercheurs de l'université Queen Mary de Londres avaient trouvé son identité grâce aux méthodes de profilage géographique utilisées pour retrouver les tueurs en série. En rassemblant les positions de toutes les œuvres de Banksy situées à Londres et Bristol, ils ont déduit que l'artiste devait vivre là où la densité de ses images était la plus élevée et qu'il s'agit d'un certain Robin Cunningham. Who is it? Personne ne le connaît. Banksy envoie ses avocats à la rescousse, ce qui augmente le suspense pour bloquer l'info, mais le mal est fait, Cunningham et Banksy. Sauf que le week-end dernier, étonnant revirement de situation, le journal Le Monde nous annonce une toute autre histoire. Banksy serait en fait Robert Freddy Del Naja, le leader de... J'adore ce groupe. Massive Attack. Et là, tout concorde. Si on se base sur un comparatif entre l'apparition des premières œuvres de Banksy et l'itinéraire des tournées du groupe, à chaque déplacement, une œuvre. Élémentaire, mon cher Watson. Troublant. Personne n'y avait pensé avant. Sachant que Freddy est lui-même graffeur et que depuis longtemps, on se demande comment une petite ville de province comme Bristol a pu à la fois pondre un des plus grands genres musicaux des années 90, le trip-hop, et en même temps faire émerger le plus bankable des artistes urbains. On se dit, si les deux étaient liés. Mais... calmons-nous. On sait que Freddy et Banksy sont amis, que Massive Attack sort un nouveau disque. Ils étaient en concert à Rock en Seine à Paris, avec France Inter d'ailleurs. Ils ont besoin de promo Massive Attack. De plus, il est dans l'intérêt de Banksy de brouiller les pistes. Et enfin, toute cette théorie a été lancée par Craig Williams, un blogueur écossais qui lui aussi cherche peut-être à se faire connaître. Et enfin, il est possible que Banksy soit en réalité plusieurs personnes. Ça reste donc bien flou, pas de quoi tirer de conclusion. En revanche, faire monter le prix des œuvres de Banksy et nous donner envie d'écouter le nouveau Massive Attack. Ça, oui, on va donc garder le mystère. Allez. She comforts you. est de retour. Oui. Nous annonce Mélanie Bauer. Avec à l'instant ce morceau de Spoils avec la chanteuse de Mazista Hope Sandoval. Très très jolie chanson avec des beaux violons. Ils vont venir en concert parce qu'avec Salomé Lelouch, on irait bien nous. Allez-y. Salomé Lelouch est avec nous et elle aime beaucoup les chanteurs morts, comme vous nous disiez. Mais Massive Attack est bien vivant et nous on est heureux parce qu'on aime sur France Inter. C'est désespéré. Ces gens qui n'écoutent pas de disques. Continuez, votre bâton de pèlerin est important. Ça existe encore. Oui, mais si Massive Attack c'est extra, on est content. Que ce soit Banksy ou pas, on s'en fiche d'ailleurs. Voilà. Salomé Lelouch est avec nous. Elle nous présente une pièce qui s'appelle Politiquement Correct, qu'elle a écrite et mise en scène et qu'on peut voir au Théâtre de la Pépinière en ce moment à Paris. Et à côté de vous, Salomé Lelouch, il y a Guillaume Meurice. Oui, c'est moi. Vous avez de saines activités le week-end. Oui, effectivement. Mais j'étais très surpris de ne pas vous voir hier à l'événement politique majeur des 50 dernières années. Vous n'étiez pas du tout au meeting de Nicolas Dupont-Aignan, cher Marco. Non, j'ai oublié. Non, honnêtement, je ne vois pas bien ce que vous avez de mieux à faire un dimanche après-midi. Mais bon, si vous voulez rater votre vie, c'est votre problème. Moi, je m'en fous, j'y étais. Et alors, autant dire que je me suis régalé. J'ai écouté le discours du leader du parti Debout la France. J'ai adoré, adoré. Je mettrai quand même un petit bémol. Il y a une phrase que je n'ai pas bien pigée. Écoutez. La France, oui, est multiethnique, mais la France n'a jamais été multiculturelle. Et elle peut être multiethnique parce qu'elle n'est pas multiculturelle. Ouais, j'ai pas pigé. J'ai pas pigé. D'ailleurs, on sent que c'est pas clair pour lui non plus. Hein. Nicolas, il hésite. Alors, pour tenter de comprendre, je suis allé interroger les militants directement de Nico. On commence avec une militante. La France est multiculturelle. Ah bah, il a dit l'inverse. Non, il a dit simplement qu'il fallait respecter les multicultures, tout simplement. Il a dit que la France n'était pas multiculturelle. La France... Ah, vous n'êtes pas d'accord avec lui? Mais non, je crois qu'on ne s'est pas compris. C'est vous qui n'avez pas compris, je crois. Ah, c'est moi qui n'ai pas compris? Non, la France est multiculturelle. Ah mince, alors s'il a dit l'inverse, ça veut dire que vous ne pouvez plus voter pour lui. Mais si, je vais voter pour lui. Ah bah oui, mais ça c'est bête quand même, parce que si elle vote pour lui en pensant que c'est Martin Luther King, c'est emmerdant, hein, je trouve. Bon, alors, elle n'avait pas entendu la phrase. Alors, il y a des militants qui l'ont entendue. Est-ce que la France est multiculturelle? Non, elle n'est pas. Ah bah non, elle n'est pas multiculturelle. Pas du tout. Elle est culturelle. Moi, je dis, elle est culturelle. Ma fille vit à Londres. Je roule à gauche. Quand vous allez à Londres, vous roulez à gauche. Ah, bien sûr, j'ai un pilote. Ça, c'est intéressant. C'est en avance. Hein, la culture serait donc une question de code de la route, tout simplement. Et c'est vrai que c'est important. Le principal problème des réfugiés, c'est quand ils roulent à gauche, c'est nous. Et ça, c'est chiant, ça nous emmerde. Ça fout le bordel. Mais essayons d'aller, au-delà du code de la route, si on parlait culture gastronomique. Vous savez, au Danemark, je mangeais des noix, voilà, c'est comme ça, c'est simple. La vie est simple, normalement, mais on veut ça la compliquer. Alors attendez, du coup, vous êtes pour la fermeture des pizzerias en France? Pas du tout. Ah, mais pourtant, c'est une culture italienne, ça. Mais pas du tout, c'est l'import. D'ailleurs, chez moi, il y a un restaurateur, et il est d'origine du Maghreb. Mais il fait un couscous extraordinaire. Ça devrait être interdit. On ne va pas revenir sur le burkini et n'importe. Hein, non, mais quel rapport avec le couscous? Non, parce que justement. Oui, justement, il n'y a pas de rapport. Mais on le sent venir quand même, hein, le point burkini couscous islam, le fameux point Véronique Jeunesse, hein, comme on l'appelle. Et ben, puisqu'on parle religion, ce même monsieur, il m'a dit qu'il était contre les signes ostentatoires religieux. Alors, du coup, dans la plus pure tradition française, j'ai dénoncé. Derrière vous, il y a une dame avec un collier et un crucifix dessus. Voilà. Je sais, mais elle fait ce qu'elle veut, je suppose. Ah bon? Bien sûr. Ah bah alors je comprends plus rien. Et vous venez de me dire que vous étiez contre les signes ostentatoires. Si elle se baigne, elle est légèrement alourdie, elle peut plus se noyer que moi, par exemple. Mais oui, voilà. Alors, à quand les arrêtés anti-crucifix sur les plages de France, hein, pour éviter les noyades? Alors, c'est toujours aussi peu clair, je suis désolé, c'est peut-être moi. Du coup, je suis allé voir directement la dame, hein, pourquoi elle porte ce signe ostentatoire. Le mien n'est pas ostentatoire, mais... Bah, je le vois quand même. Mais il est parfaitement assumé, sauf que ça fait 60 ans qu'il existe. Ça fait 60 ans que j'en porte. Donc... Ce serait quand même assez dommage aujourd'hui de me dire « Ben non, vous n'avez plus le droit de faire. » Mais non, mais calme-toi, les méchants laïcards de droite n'en ont qu'après l'islam. Hein, elle a de la chance, la petite dame, elle va pouvoir garder son crucifix. Elle a de la chance aussi, entre parenthèses, que Jésus soit mort crucifié. Hein. S'il était mort étouffé dans son vomi, elle serait obligée de porter une petite flaque de vomi en pendentif ou un portrait de Robert Ménard, hein, puisque c'est la même chose. En tout cas, les électeurs de Dupont-Aignan espèrent une chose... Un embrassement de toutes les valeurs que représente la France. Non, c'est quoi les valeurs de la France? Le travail, le patriotisme. Et la famille? Ouais, la famille, ouais. Travail, famille, patrie? Ouais. Ça rappelle des souvenirs, ça? Ouais, mais ça sert à rien de regarder en arrière, je pense qu'il faut regarder tout le temps en avant, je pense. En avant, on peut y aller avec ce slogan, travail, famille, patrie? Ah oui, pourquoi pas, ouais. Je pense que les valeurs de nos anciens n'était pas toute négative, donc je pense qu'il y a certaines choses à reprendre, je pense. Ouais, ça va lui faire plaisir à Nicolas Dupont-Aignan. Hein. Je vous rappelle que Nico, dans sa tête, c'est le général de Gaulle quand même. Hein. Dans la tête de tout le monde, c'est un barbe à papa, mais pas dans sa tête à lui. Alors allons lui poser directement la question à Nicolas. Pourquoi la France serait-elle multiethnique mais pas multiculturelle? La France est une idée. La France, c'est pas une ethnie, c'est même pas... c'est une agrégation de personnes au fil du temps. Et c'est comme la bicyclette. S'il n'y a pas une idée, s'il n'y a pas une dynamique, ça finit en guerre civile. Parce que nous, la bicyclette finit en guerre civile. La bicyclette, ça finit dans le fossé, si vous voulez. Ouais, écoutez, moi, je veux plus rien du tout. La France est une bicyclette, si tu veux. Non au multiculturalisme, mais vive le cyclisme et le couscous, si vous voulez. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai l'impression que Nicolas Dupont-Aignan et ses soutiens n'ont pas fini de pédaler dans la semoule. Merci, Guillaume Meurice. Vous avez compris quelque chose, ou Salomé Lelouch? Non, mais moi, je me pose sincèrement la question de savoir si on ne peut pas obtenir ce genre de réponse à peu près tous les meetings politiques. Honnêtement, il y a des meetings où c'est beaucoup plus facile. Hein. C'est vrai. Bah oui, pour le pratiquer. Tous les jours, oui, évidemment. Oui. Et là, c'était un nid. Mais surtout que là, il y a une contradiction là, dans la phrase. Vous les avez choisis quand même. Je veux dire, pour obtenir ça, vous en avez interrogé combien? 7 ou 8. Non. Oui, oui, si, vraiment. Non. Mais parce qu'il dit un truc il dans son discours qui est... Des fois, j'ai pas besoin d'en interroger beaucoup. Minutes. Mais parce qu'il dit un truc dans son discours qui est pas logique. Alors, du coup, il suffit de poser la question. Non, mais sur toutes les autres choses, les pizzerias, les trucs comme ça, les machins, vous les avez choisis. Ils sont pas tous. Ah, ben j'ai choisi les mieux. J'ai choisi les mieux, évidemment. Donc mais ma question c'est combien vous en avez interviewé pour obtenir ce qu'on a écouté? 7-8. On en a écouté 7-8. Non, on en a écouté 4, je pense. Ouais. Ah, votre personnage, c'est le gars le plus intelligent. À mon avis, c'est extrêmement désagréable d'essayer d'avoir des convictions et se retrouver face à Guillaume Meurice. Je pense que c'est un cauchemar et réussir à garder son sérieux un temps soit peu, c'est une gageure absolue. Guillaume Meurice, un conseil à ceux qui vont le rencontrer, restez cohérent. Voilà. Dites-donc le moins possible, surtout le moins possible. Mais ça fait pas le boulot. Avec Salomé Lelouch, on va aborder le deuxième sujet. La France a réussi un nouvel exploit. Faire manifester des Chinois. Et oui, en réalité, c'est toute la communauté asiatique qui alerte les pouvoirs publics. Ils ne se sentent plus en sécurité en France. Un commerçant chinois a d'ailleurs été tué cet été. Et les agressions se multiplient. Alors, au-delà de la gravité des faits, cette manifestation nous rappelle qu'il existe encore de profonds préjugés. Nous, au moins, on communique. C'est pas comme vous, les Chinois. On sait jamais ce que vous pensez. Il y a quoi par là? Le Chinois est fou? Pas du tout. Je dis juste que le Chinois ne fait aucun effort pour aller vers les autres. J'ai pas raison? Joker. J'ai pas d'avis. Par Chao, je ne connais aucun Chinois. Mais moi, je suis d'accord avec David. Ouais. Jamais un sourire ni un bonjour. C'est simple, depuis qu'ils ont repris tous les bars tabac, je suis à deux doigts d'arrêter de fumer. Moi. Voilà, la communauté asiatique de France qui descend dans la rue pour manifester. Est-ce que c'est finalement pas une belle preuve de leur intégration des Français chinois, des Chinois de France, de manifester? Parce que là, c'est le cliché français par c'est excellence. Ça, ils sont devenus français. Encore une fois, c'est un repli, ils manifestent entre eux, c'est un nouveau repli identitaire. Je comprends leur peur, je suis atterrée. Enfin, quand j'ai appris ça au début, j'ai pas compris l'histoire. Les Chinois, mais qu'est-ce qu'on a contre les Chinois? Mais pourquoi on les attaque? Enfin, vraiment, j'ai mis longtemps à comprendre le sujet. Ouais. J'ai été obligée d'y revenir plusieurs fois. Je comprenais même pas ce qu'on me racontait. Mais alors, est-ce que c'est un repli identitaire ou est-ce que c'est le fait qu'il y ait pas de blancs dans le cortège? Parce que il y a. Mais c'était juste des Chinois ou c'était non, des Asiatiques? Non, c'est des Français, c'est des Asiatiques. Alors essentiellement, donc beaucoup de commerçants chinois, etc. Des Français en vérité d'origine asiatique. Mais s'ils étaient là, c'est pas un repli, c'est qu'ils se font agresser. Oui, et tout le monde c'était donc en fait, pas des Chinois. Ouais. C'était donc pas des Chinois. Non, c'est des Français de... okay, qui seraient, Chinois est un raccourci. Comme moi, je suis belge. Ouais. Ils disent qu'ils se sentent moins protégés, que comme il y a aussi beaucoup de forces de l'ordre qui, avec les plans Vigipirate, il y a des agressions qui explosent. Ils sont plus une cible, même le disent, en disant en plus, nous, on ne va pas porter plainte, les gens le savent, on n'est pas dans cette dynamique, donc pour le coup d'intégration, ils n'ont pas le réflexe d'aller porter plainte, d'aller voir tout ça, donc ils se sentent une cible privilégiée. Mais c'est vrai que quand c'est arrivé, je me suis dit, non, mais pas encore un truc comme ça. Enfin, c'est comme si toutes les semaines, les choses se tendait et que le pire du cauchemar devenait réalité et que chaque chose se... C'est peut-être pas mal qu'il y ait une multiculturalité dans le racisme, parce que comme ça c'est moins centré vraiment sur... Le tout encore fondé sur des préjugés, parce que si les Chinois de France ou les Français d'origine chinoise se font agresser... C'est parce qu'ils seraient plus riches. Voilà, c'est parce qu'ils seraient plus riches, donc encore un préjugé. Et donc voilà, c'est très très rare qu'ils se manifestent. Je connais un juif chinois. J'ai un chauffeur de taxi qui un jour m'a dit... Vous avez tous de très bons amis chinois. Sur le sujet, si je peux dire un truc. Oui. C'est juste ce qui est intéressant, c'est que personne ne se préoccupe de ce problème. C'est-à-dire, d'une certaine façon, les Chinois manifestent tout seuls. Ils sont sans, pas dans, sans blanc. Il n'y a aucune organisation SOS Racisme. Ils sont très peu représentés. Voilà, ça, c'est vachement intéressant parce que ça raconte vraiment quelque chose sur la façon dont on gère nous-mêmes. On devrait avoir des gens qui sont vraiment. Alors, il y avait des associations, effectivement, de défense, etc. Mais ils étaient très, très, très, très peu nombreux. C'est la façon dont on gère son, comment dire, son bon sentiment, son politiquement correct. Ça, c'est vachement intéressant. Je pense que cette manifestation révèle ça, quoi. Notre grande hypocrisie. Merci d'avoir élevé le débat. S'il te plaît, je suis non, là parce pour que ça. C'est un sujet, tout à fait sérieux et on cherche les... C'est un sujet dramatique. Moi, j'habite dans le 13e, on a les mêmes préoccupations. Vous avez des très bons amis chinois, c'est ça. Non, non, mais c'est vrai. Et je voulais dire, j'ai un chauffeur de taxi qui un jour m'a dit que s'il n'y avait pas de cimetière pour les Chinois à Paris, c'est parce qu'ils mangeaient leurs morts. Donc on arrive quand même sur des préjugés où les gens sont fous. Les gens sont absolument fous. Mais les gens sont fous. Alors ça, par contre, je pense que maintenant, on peut vraiment se le dire. Hashtag les gens, hashtag Hippolyte Girardot, Hippolyte, je vous sens chaud. Mais les gens sont dingues. Et même quand ils ne sont pas fous, ils font semblant. C'est ce que je disais l'autre fois à Éléonore, que toujours j'adore, que parfois j'honore, qui me battait froid. Ça marche. Bon, manque d'envie, d'entrain, quoi, les filles. Ouais. Une sorte de j'ai envie de me faire les ongles des pieds plutôt au final. Je dis, ok, c'est pas grave, fais semblant, fais comme si, et ça va très bien se passer. Parce que c'est vrai, ça, tout le monde fait semblant, se raconte des histoires. Alors pourquoi pas toi, Éléonore, que j'adore, que j'honore. Regarde ces trois hommes, ces trois femmes enfermées pendant un an sous un dôme en plein désert à Hawaï pour faire comme s'ils vivaient sur Mars. Oui, comme Matt Damon dans le film Seul sur Mars. Ils faisaient semblant de tout. Bon, pour beaucoup moins de fric que Matt Damon, d'accord. Quand ils sortaient dehors, ces apprentis astronautes, ils mettaient une combinaison, un casque et ne partaient pas loin à cause de leur petite réserve d'oxygène. Alors qu'en fait, bon, il suffisait qu'ils enlèvent leur casque et ça y était, un grand bol d'air. Quand ils envoyaient un mail, et pas souvent à cause de leur petite capacité électrique, ils faisaient semblant d'attendre 40 minutes le temps que ça arrive jusqu'à la Terre. Remarque-toi, Éléonore, tu me réponds parfois, encore plus longtemps, c'est vrai. Bref, cerise sur le gâteau, fiction dans la fiction, pour se relaxer. Ils mettaient des lunettes 3D pour se croire au bord de la mer, alors que les plus belles vagues du monde étaient à moins de 15 km. Si ça, c'est pas de la mise en scène. Si ça, c'est pas du faire semblant. Non, le vrai truc où ils n'ont pas réussi à faire semblant, évidemment, c'est le sexe. Parce que vu que la gravité sur Mars est trois fois moindre que sur Terre, donc tu flottes, un peu comme sur la Lune, donc on imagine les galipettes, on voulait en savoir davantage, bien sûr, où t'arrêtes pas de se rater. Mais toi là, où ça? Ben là, mon chéri, où ça? Là, là, pas là. Excuse-moi, c'est la gravité. Oui, enfin, ta gravité, elle a bon don, mon chéri. Bref, c'est dommage qu'on n'ait pas eu de détails quand même, parce que ça nous aurait intéressé. Hein. Ça aurait donné à leur histoire une sorte d'attrait particulier. Parce que dans le film avec Matt Damon, par exemple, les scénaristes ont inventé qu'il faisait pousser des patates avec son caca. Alors au final, on ne parle que de ça. Et les gens sont allés voir le film pour ça, plus que pour le reste. C'est une sorte de produit d'appel, le caca-patate. C'est un gimmick dans une histoire. C'est très important, les gimmicks. Regardez, en beaucoup moins réussi, c'est vrai, mais regardez. La navette fluviale de Macron, de la semaine dernière. Il démissionne, tout le monde s'en tape, mais... qu'il le fasse en gondole motorisée, alors ça, oui, ça fait jaser, ça devient un truc, c'est le gimmick, l'accroche pour parler de Macron. Cette navette, c'est son caca patate, c'est ça qui fait l'histoire. Parce qu'au final, Éléonore, que j'adore, que j'honore, c'est l'histoire qu'on désire, qu'on achète, qu'on croit et qu'on veut encore d'inventoire. D'ailleurs, rappelle-toi, Éléonore, de la géniale anaphore du président sortant, pas encore pourtant. Moi, président de la République, je... Les électeurs ont cru à ce candidat qui faisait semblant d'y être président devant celui qui l'était, président, et lui qui n'y croyait plus. C'est lui, le président, bientôt sortant, qui l'avait trouvé le caca-patate. Un concept d'Hippolyte Girardot sur France Inter. Vous avez bien fait de ne pas me dire de quoi vous alliez parler tout à l'heure. Parce que si vous m'aviez dit le thème de ma chronique, c'est le caca patate. Vous savez, mon cher Alex, que même à la fin, je ne sais pas exactement de quoi j'ai parlé. Mais je trouve ça intéressant. C'est un sujet. C'est sensible. C'est l'émotion. Voilà. C'est épidermique. Bah, oui. C'est l'art. Et on va en parler avec Salomé Lelouch tout de suite. Le Télérama en kiosque cette semaine consacre sa une au nouveau cinéma politique français. Avec notamment Divine de Ouna Benyamina, l'inversion des stéréotypes français en banlieue. Il y a aussi Rester vertical d'Alain Giraudy sur la France rurale ou Nocturama de Bertrand Bonello sur la pulsion terroriste chez les fils d'Énarque. Le cinéma serait de plus en plus politique, en tout cas en ce moment, et la politique c'est de plus en plus du cinéma, et là on part de pas très loin, c'est vrai. Pendant ces 7 ans, J'avais un rêve. Que la France devienne une nation forte et paisible, fraternelle pour tous les siens et traitant d'égal à égal avec les grands dirigeants du monde. La France est restée le pays de toutes les libertés. Elle fait même partie de ce qui n'est plus qu'un îlot de liberté dans un océan de contraintes. Au revoir. Giscard, habillé musicalement par Camille Saint-Saëns, la musique de Cannes, vous l'aurez reconnu. Salomé Lelouch, votre pièce, elle, je rappelle, s'appelle Politiquement Correct. Donc, on a choisi ce sujet sur le nouveau cinéma politique français. À partir de quel moment on peut considérer qu'une œuvre est politique, qu'un film est politique, qu'une pièce est politique? Vous vous dites, par exemple, de votre pièce Politiquement Correct, c'est d'abord une histoire de relation, une histoire d'amour sur fond de politique. Je crois qu'on décide, en tout cas, je crois que c'est pas l'auteur d'une œuvre qui décide si elle est politique et si elle est engagée. Ou alors, c'est quelqu'un de très très brillant, très très fort. Et voilà. Et j'ai l'impression que c'est un moment où ça échappe. C'est-à-dire que quand on raconte une histoire, je parle même pas d'œuvre d'art, c'est un point de vue très personnel sur quelque chose qu'on définit. C'est la façon dont les gens vont le percevoir et le temps qui va décider de la façon dont cette œuvre s'inscrit ou non, si elle est politique, si elle fait bouger, avancer les consciences et tout. Je suis pas convaincue que le cinéma et le théâtre soient faits pour prendre ce pas. Je pense qu'il le fait souvent, mais qu'il n'est pas fait pour ça. Et que c'est un accident, un peu comme dans la vie, quand deux personnes se rencontrent pour d'autres raisons. Et je souvent, quand des gens vous disent avant, j'ai ce projet, c'est important, je veux changer le monde, j'ai fait ça parce que je voulais m'engager et tout, souvent la chose en question est un peu indigeste en face. Et souvent, quand vous prenez une claque et que vous regardez la genèse du projet, vous vous rendez compte que ça a été fait pour des raisons différentes et que c'est à ce moment-là que ça a trouvé son chemin. Donc, je pense qu'un théâtre politique existe certainement. En tout cas, c'était pas ma volonté. Et sur les films que je décide d'aller voir, s'ils sont engagés, ils le sont. Mais c'est le sujet qui m'intéresse. C'est pas l'engagement qui pourrait pointer derrière. Alors, vous êtes sans doute d'accord avec Ouda Benyamina, qui est la réalisatrice de Divine, qui dit dans Télérama, si on peut changer la société, c'est en la questionnant, pas en la jugeant. C'est sûr. Il faut vraiment réfléchir et pas juger et se poser des questions. Enfin, voilà. Après, ça ne veut pas dire que ça ne s'impose pas aux gens. Ça veut pas dire qu'il ne faut pas que ça s'arrête et que les gens vont vous dire, ça, je le prends comme ça, je le prends comme ça, et un jugement se fait. Mais c'est pas, à mon avis, à l'auteur de décider de comment les gens doivent recevoir son œuvre. On ne peut pas dire qu'il y a un genre. On ne peut pas dire que voilà, ça, c'est du cinéma politique. On le dit après, on le dit plus tard. Certaines choses, on pensait que ça n'allait pas du tout être politique. Ça le devient pour plein de raisons, des farces et tout. C'est très échangeant. Je pense Michael Moore, c'est pas un genre de cinéma politique. Oui, Michael Moore, c'est du cinéma politique. Mais c'est aussi une question d'époque. Je pense que quand on faisait de la fiction politique dans les années 60, 70, notamment en France et en Italie, il y avait un vrai cinéma politique avec un vrai public qui y allait pour cette raison. Je pense qu'ensuite, la chose a un peu bouger, c'est le cinéma qui a bougé en fait. Et donc la vérité qui peut exister dans une œuvre politique est beaucoup plus du côté aujourd'hui du documentaire que de celui de la fiction. Comme tu le dis, c'est vrai que ce qui m'intéresse c'est le sujet, si effectivement c'est engagé politiquement, ça peut m'intéresser aussi. Alors on dit souvent que la politique ne développe plus d'utopie et qu'on en manque, et que les politiciens n'ont plus d'idées. Justement, le cinéma ou le théâtre peut aussi proposer ces utopies et pallier à ce manque de vision. Et d'en proposer. En tout cas, ça revient à les imaginer et à les décaler. C'est sûr que les artistes, ils font pas de la politique. S'ils avaient quelque chose à dire, s'ils avaient envie de dire à un président de la République, c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Et moi, j'ai une solution. Je supplie. Enfin, vas-y, arrête de faire des films, on s'en fiche, on va le faire. Donc, voilà. Mais il y a des moments, à des endroits, des convictions qui émergent, qui sortent. Et encore une fois, je pense que c'est eux disent quelque chose, sur quelque chose dont ils ont envie de parler, et d'un seul coup, la façon dont le public est percuté ou non par cette chose-là échappe absolument à tout le monde. Et c'est cette percussion n'est pas le mot, mais ce moment de rencontre qui peut faire naître une idée et qui peut justement proposer quelque chose. Mais c'est la rencontre entre l'œuvre et la réception des gens. Ça ne peut pas être décidé avant que personne ne l'ait vu, c'est impossible. Eh bien, Salomé Lelouch, nous, on va vous proposer une comédie politique. Une œuvre qui change le monde, le sketch de fin d'émission qu'on donne à l'invité et qui ne connaît pas le sujet. Aujourd'hui, Patricia et Jérôme Cahuzac se retrouvent à l'entrée du tribunal. Le couple fou, certes, c'est une affaire d'État, mais au départ, c'est jamais qu'une affaire entre un homme et une femme. Hippolyte Girardot, Salomé Lelouch. C'est incroyable quand même. C'est incroyable de s'empêcher d'être heureux. Tu fais encore ton cinéma ? Tu sais, je fais un métier très très étonnant, très original, qui rapporte beaucoup d'argent. conditions de passeur prendre. Tu te souviens quand je pourfendais la fraude fiscale? Ah oui, qu'est-ce qu'on a rigolé. Patricia, les yeux dans les yeux. Je t'annonce que je veux refaire ma vie avec toi. Comme mon beau vieux temps. Je le jure sur la vie de tous mes comptes non déclarés. Ouais, ça en fait beaucoup, là. Oh, bah tu sais, quand on aime... Et nous partirons en voyage de noces en Suisse comme à l'époque. Non, j'ai changé, vois-tu. J'avais pensé t'emmener au Panama, Patricia. Et notre clinique de chirurgie esthétique spécialisée dans les implants capillaires. J'ai déjà un repreneur, Alain de Bordeaux. Il m'a dit qu'il serait disponible à partir de mai. Tu n'as pas peur de salir ta réputation en t'affichant avec un ancien condamné? Ma réputation serait entachée si on me voyait en compagnie d'un homme intègre. C'est vrai que depuis que je t'ai balancé au juge... Affaire Cahuzac, s'il vous plaît. Tiens, revoilà le fouille merde. Présent, monsieur le juge. Alors, fraude fiscale et blanchiment, joli palmarès. Oh, ne soyez pas trop dur, monsieur le juge. Je suis un veuf inconsolable. Ah, vous avez perdu votre femme? Pire, j'ai perdu son amour. Quel baratineur. Ouais, j'ai l'habitude. Monsieur Cahuzac. Je jure de dire toute la vérité et rien que la vérité. Ouais, ça, et c'est Cahuzac et pas Cahuzac. Ouais. Ça me fait toujours bizarre. Moi aussi. Bon, qu'avez-vous à déclarer, monsieur Cahuzac? Rien, monsieur le juge. Comme d'habitude. Et ta villa à Marrakech? Et ton terrain sur les îles Vierges? Mais ta gueule! Ouais, si je comprends bien, Lelouch, c'est vous. Et j'ai découvert ce texte en le lisant. Oui, comme tous les jours, nos auditeurs connaissent le principe. Merci d'avoir joué le jeu, Salomé Lelouch, avec Hippolyte Girardot. C'est la première fois que vous jouez ensemble? Et non, enfin, on n'avait pas de scène ensemble. Non, on a fait un film ensemble il y a ensemble. 25 ans. On a peut-être, on se croisait quand même dans le oui, alors film, on veut pas tout savoir. Hein. Par contre, c'est la première fois que vous jouez avec moi. Salomé Lelouch, qui a écrit et mis en scène Politiquement Correct, c'est au théâtre de la Pépinière avec Thibaut de Montalembert, Rachel Arditi, Ludivine de Chastenay, Bertrand Combe et Arnaud Pfeiffer. C'est du mardi au samedi à 21h, le samedi à 16h. On espère que vous pourrez aller à la rencontre des auditeurs d'Inter et des Français hors de Paris avec cette pièce donc Politiquement Correcte. La Pépinière, tiens, où jouera bientôt Alex Vizorek. Très bel endroit. Le dimanche à 19h. Merci à toute l'équipe. Il y avait Julien Michel aujourd'hui à la technique, à la préparation, Irène Menahem, Sarah Masson, Nathalie Romero, Benjamin Riquet à la réalisation. Et merci à tout le monde autour de la table. Voici le mot de la fin à la vision que certains Français peuvent avoir des Chinois de France. Jamais un sourire ni un bonjour. C'est simple, depuis qu'ils ont repris tous les bars tabac, je suis à deux doigts d'arrêter de fumer, moi. À la MAE, nous protégeons chaque instant de la vie des enfants, à l'école et pendant toutes leurs activités. On croit souvent que la responsabilité civile suffit à protéger les enfants. C'est faux. Elle les protège lorsqu'ils causent un accident, mais jamais quand ils en sont victimes. L'assurance scolaire MAE protège tous les enfants, petits et grands, dès 11,30€ par an. Adhérez vite sur MAE.fr. MAE, mon premier assureur. Détails des garanties dans la notice d'information sur MAE.fr. Comme tous les matins, j'étais sur le trajet du taf. Comme tous les matins, je marchais la tête un peu dans le sac, les yeux rivés sur mon portable. Ce matin-là, j'ai pas fait gaffe en traversant le boulevard. Et je me suis fait faucher par une voiture. Aujourd'hui, mon seul trajet, c'est entre mon lit et ma salle de bain. Mon frère veut tout arrêter pour s'occuper de moi. Mais cet accident, c'est le mien. Je le laisserai pas foutre sa vie en l'air. Quand vous regardez votre téléphone, qui regarde la route? Sécurité routière. Tous touchés, tous concernés, tous responsables. Vous le savez peut-être pas, mais avec la nouvelle offre Avantage Gaz d'EDF, le prix du kilowattheure hors taxe de gaz n'augmente pas pendant 4 ans. Il peut même baisser. Et c'est pas tout. Toute baisse du prix du kilowattheure est définitivement acquise sur la période de 4 ans. Avec l'offre Avantage Gaz d'EDF, c'est 4 ans de sérénité. Ceci est une offre de marché. Plus d'informations sur edf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. MAF Assurance présente, parole de pro. Bonjour, je suis votre conseillère MAF Pro. Vous les pros, vous devez savoir qu'avec l'assurance AutoMAF Pro, si votre véhicule professionnel est immobilisé pendant plus de 2 jours, une garantie compense votre perte de chiffre d'affaires en prévoyant une indemnisation dans la limite du plafond choisi. Voilà, c'est dit. C'est MAF Pro. Et c'est pour vous, les pros. Option perte financière détaillée dans le contrat AutoPro disponible en agence et sur maf.fr. Il est 18h sur France Inter. Bonsoir. Bonsoir Nicolas Demorand. Bonsoir Charline Vanhoenacker et bonsoir à tous. Bienvenue dans le 18-20 de France Inter. Le programme de ce lundi soir, 18h15, la crise des réfugiés. Un an après le geste spectaculaire d'Angela Merkel qui avait ouvert les frontières de l'Allemagne, Catherine Vitold-Vindel est l'invitée d'un jour dans le monde. À 19h20, le téléphone sonne sur le baclofène, du nom de ce médicament prescrit pour soigner l'alcoolisme. Il constitue une corde de plus à l'arc des addictologues. On verra ça tout à l'heure. Vos questions sur le sujet, 01 45 24 7000, franceinter.fr et Twitter, avec le mot-clé Telson. Tout de suite, le 18h, le journal. Florence Paracuelos, bonsoir. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. À la une ce soir, financement politique et probité, avec la défense de Jérôme Cahuzac d'abord.